fait la une du Journal de Québec de ce matin, faisait la une du bulletin de TVA hier. Se faire justice soi-même, oui. Que ce soit à grands coups de poing ou que ce soit en distribuant des affiches dans son quartier, c'est-tu la meilleure façon de régler les problèmes du système de justice? C'est une bonne histoire, en tout cas. Bonne histoire sortie par Valérie Gamache hier soir à TVA. Oui. Et ça suscite le débat. C'est un citoyen qui a décidé d'avertir les résidents d'un quartier paisible de Charlebourg, un quartier où il y a des familles, des parcs, qui a un présumé pédophile qui habite dans ce secteur-là. C'est une affiche où on voit une partie de son nom et où on a une partie de son adresse également sur l'affiche. Il n'y a pas de photo. On peut pas identifier son visage, mais cette affiche-là se retrouve à plusieurs endroits dans ce secteur de Charlebourg. C'est écrit « Ici, dans votre secteur, vit un pédophile ». Il a affiché ça à plusieurs endroits. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais disons que c'est peut-être un symptôme d'un système de justice qui a perdu de la crédibilité. Je pense qu'on va... peut-être malheureusement assister de plus en plus souvent à ce genre de manifestation-là parce que les gens effectivement trouvent que soit le système de justice est pas assez juste, donne trop d'importance aux agresseurs versus les victimes, ou encore tout simplement les procédures sont trop longues. On attend, puis on attend, puis on attend, puis pendant ce temps-là, ben la rage s'accumule, le sentiment d'injustice s'accumule, puis ça donne des résultats comme ceux-là. L'homme qui est à l'initiative de cette histoire-là va garder son anonymat, vous le comprenez bien, puis on va aller le rejoindre puis essayer de comprendre la nature de son geste. Monsieur, bon matin. Salut les gars. Ça va bien? Ça va bien. Oui. Ça va bien. Je suis content de voir que si peu peut faire si grand. Quelques affiches dans une rue, puis on est au journal le soir. Est-ce que vous vous attendiez à ça quand vous avez posé vos affiches il y a quelques jours à faire la une du bulletin de nouvelles à TV, puis la une des journaux ce matin? Écoute, je te dirais que j'ai pensé ça, tu rêves toujours ça, tu penses toujours que ça va-tu avoir un impact, ça va-tu pas avoir un impact. Puis non, pas aussi grand que ça, mais je suis content pour la victime, puis je suis content pour les victimes, puis que le gouvernement voit un peu que c'est ridicule ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans la situation actuelle? C'est-tu les délais? C'est-tu le fait que vous êtes persuadé que ce gars-là va être condamné en bout de ligne? J'essaie de comprendre c'est quoi peut-être la goutte qui a fait déborder votre vase au point de dire, regarde, moi je prends ça en main, je fais des affiches puis je les installe dans le quartier. Je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. De un, moi, ce gars-là, je le connais pas. J'entends parler de lui depuis quelques années, savoir à ce qu'il a fait. Puis je le connais pas, mais qu'il soit coupable, quand tu vis près d'une personne qui a subi des agressions, puis tu vois la façon dont elle réagit à différentes choses, à n'importe quel petit geste de tous les jours, tu peux pas te douter qu'il est coupable. À partir de là, c'est facile à voir, les gars, vous avez des enfants, je sais qu'il y en a un qui s'en vient pour toi, là, mais ouais. Quand t'as des enfants, là, tu vois ça, là, tu le vois dans les yeux, là, tu vois quelqu'un pleurer pour des stupidités, tu sais qu'il est coupable. Ça, c'est réglé dans ma tête. Parce que la personne, sa victime à lui, vous le savez qu'elle est traumatisée. Là. Même s'il n'y a pas eu de procès encore, même si l'individu n'a pas été déclaré coupable, vous savez que cette personne-là, elle est réellement traumatisée par les gestes. Là. Ben oui, parce que tu le vois, tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'est brûlé, là, qui se brûle le pouce. Il va faire attention, il va te mettre un mouchemolot au bout d'un bâton de bois, il va te demander de le mettre à sa place. Tu sais. C'est ça le problème. Ça, c'est réglé. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est la justice. C'est les enfants qu'il faut protéger. Les enfants qui vivent dans un quartier qu'on dit paisible ce matin dans le Journal de Québec. Ouais. Un quartier paisible. C'est un quartier avec des parcs, ça, à Charlebourg. C'est un quartier avec des écoles, des garderies, des parcs, des vies de famille, c'est ça? Ben oui. Puis regarde, je vais t'en mettre plein la vue. Il y a une piscine. Il y a une piscine. Dans sa fenêtre d'appartement, là, moi, je le sais, il y a une piscine. Est-ce qu'il se tient là? Est-ce qu'il viraille autour de la piscine, autour du parc? Bon, je ne sais pas. Comme je te dis tout à l'heure, moi, je l'ai jamais vu. J'ai pas envie de le voir non plus. Je sais que je vais le croiser parce qu'à un moment donné, je vais me retrouver en cours puis je vais le croiser à un moment donné. Mais Il mérite même pas qu'on parle de lui présentement. On devrait même pas dépenser de la salive pour un salaud comme ça. On devrait parler du système de justice qui fait pas son travail. Ouais. Moi, je dénonce le système de justice. Oui, je trouve que c'est trop long souvent. Je trouve que la victime, des fois, est tassée et numérisée. Puis on entend des fois des juges sortir des drôles de déclarations, là, dire que telle agression sexuelle, c'est pas si pire comparé à d'autres. Il y a des agresseurs également qui se retrouvent au banc des accusés, qui se retrouvent coupables, qui font pas de prison en raison de leur âge, en raison de leur santé, en raison de leur statut. C'est enrageant. Mais en même temps, puis là, je me sens obligé de faire l'avocat du diable là-dedans. Ouais. Le coup de marteau, monsieur, il a pas été donné, puis notre système de justice est basé là-dessus. La présomption d'innocence tant que le gars est pas condamné. Là, on se retrouve avec des affiches où la photo du gars est pas là. Il y a son adresse ou une partie de son adresse. Non, il y a... Le nom de la rue, ouais. Le nom de la rue. Puis, c'est parce que en voulant avertir tout le monde, vous avez pas peur que ça fasse ou que ça crée l'effet inverse, c'est-à-dire que là, tout le monde va se regarder louche dans la rue, puis tout le monde va paniquer. Tu sais, un gars qui a de l'air louche comme moi, mettons, là, avec une barbe qui se promène tout seul, avec un chandail capine, j'ai l'impression que je filerais pas safe dans ce rue-là. Là. J'ai l'impression... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est pas soulever un vent de panique. Là. C'est pas ça le but de... Le but de l'exercice, c'est pas de le soulever un vent de panique, là. Puis le but, c'est que les gens se rendent compte qu'il y en a, puis que le système de justice, je me répète là tout le temps, là, mais est lent. Tu sais, ces personnes-là là, devraient être en dedans, là. Ces personnes-là devraient être en dedans pour longtemps. Vous devrez pas les envoyer dans les réserves indiennes qui sont en train de se vider. Là, ouais, c'est ça. Il est en attente de procès, ce gars-là. Mais est-ce que je comprends bien votre message, monsieur? Moi, ce que je comprends de votre message, c'est parents, faites attention, surveillez vos enfants. Il y a quelqu'un qui est en attente de procès pour agression sexuelle dans votre coin. Est-ce que c'est un peu ça votre message? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Puis il n'y a pas un enfant sur la terre qui mérite de vivre ce que la personne que moi je connais vit. Ça, il n'y a personne sur la terre. Tu sais, tu restes marqué à vie, je pense, de ça. Là. Tu t'en sors pas. Je le comprends bien, mais prenons un scénario. Quelque chose, les gars. Je m'excuse, je vous coupe la parole. J'ai pas le droit de faire ça. Non. J'ai pas le droit de se faire justice soi-même. Non. Ça, je suis conscient de ça. Puis, pour ça, je peux pas saluer ou féliciter ce geste-là. Je le sais. Puis, tu sais, je l'ai fait sur un coup de tête. J'étais fâché parce que le procès était prévu au mois de juillet. Il a été remis au mois de novembre. Là, tu dis tabarouette. C'est enrageant, là. Mais moi, je vous comprends de vouloir avertir les parents. Moi, là, comme parent, c'est bien de valeur, là. Justice ou pas, je veux le savoir s'il y a des pédophiles ou des présumés pédophiles dans mon coin. Là-dessus, je vous comprends, moi. Puis, tu sais, les boys, c'est quoi qui va arriver, là? On va me poursuivre, on va me mettre en action, on va m'envoyer en prison 2 ans, 3 ans. Je vais faire plus de prison que le gars qui... C'est ça le système de justice. Mais je vais prendre un exemple plat. Je reste dans cette rue-là, moi, par exemple, là, dans la rue qui a décrit sur votre affiche. Ouais. Il y a 3 gars chauds un soir qui décident que c'est moi le pédophile. Là. Puis là, ils prennent des briques, ils défoncent ma fenêtre, puis ils viennent me sacrer une volée. Allez-vous vous sentir responsable de ça? Oui, puis c'est pas ça le but de l'exercice. Je le répète, c'est pas ça le but de l'exercice. Puis je voudrais pas qu'un truc comme ça arrive, ça c'est sûr et certain. Puis oui, oui, j'ai pensé après mon coup de tête puis mon geste que je le qualifie un peu débile là, puis stupide, mais regarde, le mal est fait, faut vivre avec. Allez-vous les laisser là, vos affiches, vous allez les enlever? Ben là, si je m'en vais là avec un canis pour les enlever, le monde va peut-être penser que c'est moi le coupable puis qu'il va enlever les affiches, c'est moi qui vais savoir une vraie. Vous allez les laisser là. Donc, vous regrettez un peu votre geste, mais en même temps, vous irez pas chercher les affiches parce que vous vous sentez mal de reculer, c'est ça? Non, mais oui, c'est ça. Tu sais, c'est exactement ça. Puis, tu sais, à quoi répondre à ça? Je regrette. J'ai fait un geste stupide. C'était un coup de tête. Mais d'un autre côté, je sentais que c'était le temps et qu'il faut que quelqu'un sorte. Je comprends le but. Moi, je comprends la rage. Je comprends l'injustice. Je comprends l'impatience. Ouais. Mais on fait pas, je pense pas qu'on fait avancer le débat avec ça. Moi, je rêve d'une société où quelqu'un qui est condamné coupable sort, qu'on signale au quartier. Voici sa photo. Voici ce qu'il a fait. Voici son identité et que tout le monde se surveille. Mais là, on a le nom d'une rue. On n'a pas la photo. Il nous manque des détails. Le coup de marteau a pas été donné. Moi, je vous dirais, regardez, sauvez-vous du trouble. Là, allez enlever les affiches. Vous aiderez pas personne si vous vous ramassez en prison parce que les polices trouvent l'alinéa où vous avez fait quelque chose d'illégal. Ben, en tout cas, à venir jusqu'à présent, il n'y a rien d'illégal. Je comprends. Ta façon de voir ça est pas fausse. T'es le premier qui m'apporte ça le matin, là. Puis j'ai pas trop le goût de jaser de ça avec mes collègues de travail. Ouais, mais moi, m'a dire une affaire, là, je pense que va falloir que la justice comprenne quelque chose de votre geste. Je pensais que c'était pour vous mettre sur mon dos et me chicaner. Non, mais moi, non, que on jase, là, sérieusement. Je veux un message dans ça. Va falloir que les juges et que le système judiciaire dans son ensemble comprennent le désespoir dans votre geste et la perte de confiance qu'on a envers le système de justice. Ben, moi, je peux vous dire que ça s'arrêtera pas là. Tu sais, on n'est quand même pas des caves. Là. Puis moi, je vous dirais que ça sera pas long. La personne que moi je parle, là, elle va sortir publiquement. Ben, moi, probablement, vous allez en savoir plus bientôt. Là, mais parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va pouvoir qui se lève avec le drapeau puis qui dise, garde moi là, ça m'est arrivé à moi. Cette année. Je comprends. Au-delà de ce que je vous dis ce matin, monsieur, là, je serai à votre place. Je connais quelqu'un qui est victime d'une agression. Je suis convaincu, puis je vois les traumatismes à tous les jours. Je ne sais pas comment je réagirais. Puis je pense même que ma réaction, elle serait peut-être moins dosée que la vôtre. Je ne sais pas comment je réagirais dans une situation comme ça. Je souhaite pas ça à personne. Je me souhaite pas ça. Je vous souhaite pas ça. Vous êtes dedans. Le Preston a sauté. Vous avez fait un geste. Vous le regrettez un peu ce matin. Mais en même temps, s'il y avait un message à passer, je pense qu'il est passé. Le message qu'on est écœuré de se faire prendre pour des numéros dans le système de justice, le message que la victime souvent souffre en silence en attendant des procédures qui sont remis, puis qui sont remis, puis qui sont remis, à ce niveau-là, vous pouvez dire mission accomplie. OK. Ben, je prendrai pas plus de votre temps, les boys. Juste dire que c'est là-dessus peut-être qu'on devrait plus focusser. C'est ça. Les gens sont pas conscients de tout le traumatisme qu'une personne agressée peut subir. Ouais. Les gens sont pas conscients. Tu sais, il en parle une journée, deux enfants de la République dominicaine, blablabla, le gars pogné 3 ans, t'en entends plus parler, c'est fini, bonsoir, tu sais. Ouais. Auriez-vous fait ça s'il y avait eu un procès rapide et si les sentences, non. Si la jurisprudence était convaincante avec des sentences sévères, auriez-vous senti le besoin de faire ça? Non, puis je me répète, c'est la personne qui souffre, là. Tu sais que, tu sais, tous les gars, en tout cas, moi, personnellement, j'ai déjà passé en cours pour des niaiseries, un divorce, une niaiserie. Tu sais, on passe tout en cours, c'est stressant, OK? Mm-hmm. Un ticket, là, tu t'en vas débattre pour un ticket, là. Bon, il n'y a rien de fun. Là, tu t'en vas plaider parce que tu t'es fait agresser, c'est un stress. Écoute, moi, je le vis, là, je le vois, là, tu sais, ça s'en venait, mois de juillet, là. Puis le caractère change, puis les personnes deviennent de plus en plus agressives, puis est stressée, puis, tu sais, elle pleure pour des riens, puis, tu sais, là, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as tout ce stress-là qui, en moins de 4 secondes, il tombe quand tu te fais dire ton procès est remis au mois de novembre. Ouais. Fait que là, c'est tout à recommencer encore, tout ça. Hey, c'est pénible en tabarouette. Ça, c'est un aspect. L'autre, c'est de savoir que ton agresseur est toujours en liberté, puis qu'il y a probablement une petite fille qui souffre comme toi, t'as souffert. Ça, c'est la deuxième affaire. Tu sais, fait il y a plein de choses que moi, je dis, que j'ai essayé de dire là depuis 2 jours, parce qu'on m'a interviewé, c'est de dire, regarde, le système de justice, il faut que ça change, puis qu'est-ce que ça va prendre pour que ça change? C'est quoi? C'est que toutes les victimes se rassemblent, qui se mettent des carrés rouges, puis qu'elles avec des chaudrons dans la rue pour se faire entendre? Ça se fera jamais, ça. Est-ce qu'il y a des policiers qui sont venus vous voir? Est-ce qu'il y a des policiers qui vous ont rencontré? Non, pas encore. J'imagine que ça va pas tarder. Puis garde, je vais dire la même chose que je vous ai dit, les gars. J'ai fait ça sur un coup de tête, je regrette. Je voulais pas semer la panique. J'avais un trop plein de pression, comme dirait. Le mieux aurait peut-être été de rien faire, mais en même temps, vous auriez pu faire pas mal pire. Fait que moi, je vous dis, le message est passé, je pense. Puis c'est peut-être le principal, là, présentement. Mais moi, personnellement, je vous le dis, pour éviter le trouble, pour éviter que ça dégénère d'une façon ou d'une autre, j'enlèverai les affiches. Probablement que c'est ça qui va arriver. Tu sais, je pense qu'on va me le suggérer. Après-midi, je rencontre quelqu'un au niveau de la justice, puis on va voir ce qu'il va me dire. Mais probablement que c'est le même conseil qu'il va me donner. Parce que c'est le genre de chose qui peut teinter négativement une cause auprès de la justice, auprès d'un juge, auprès d'avocats. Des fois, là, sont en cercle fermé, eux autres. Hein? Puis quand des gens veulent se faire justice eux-mêmes, quel que soit le moyen, ça les dérange. Ça aidera peut-être pas la cause en bout de ligne. Sentez-vous pas coupable. Les responsables de gestes comme ça, c'est le système de justice en général. C'est le laxisme de la magistrature, c'est le laxisme du système au complet, là. Excuse-moi, je te coupe ta parole. Non, je m'en fais pas. Je m'en fais. C'est sûr qu'il y a quelque chose dans moi qui dit bon, tu sais, quelle connerie, puis quel geste stupide, blablabla. Puis tu dis, j'avais pas besoin de ça. Mais d'un autre côté, là, ma petite souffrance d'une journée, deux jours, là, c'est rien comparé à ce que les victimes peuvent subir eux autres pendant une vie complète. T'sais. Je vais aller travailler aujourd'hui, moi, puis je vais faire ma vie, puis je vais continuer à vivre normalement au-delà de ce qui va se passer. J'ai pas le choix. Je vais vivre avec les actes que j'ai faits. Puis malheureusement, si on avait un système de justice en santé, ben ça arriverait pas ces affaires-là. Puis j'espère juste que là, tout à l'heure, tu m'as fait peur quand tu m'as parlé de briques, là, tu sais, j'espère juste qu'il arrivera pas une connerie comme ça, parce que là, je vais me sentir pas mal plus mal que... C'est juste mes petites affiches, mais tu sais, des beaux os, il y en a partout. Mais effectivement, puis je pense que vous avez très bien exprimé le dilemme d'une personne qui est aux prises avec le système de justice, avec une victime pas trop loin. Ouais. L'accusé, la cour s'en chargera là, dans un an, deux ans, trois ans. Là. Mm-hmm. L'important sur quoi il faut focusser, c'est les victimes. Ils ont besoin d'aide. Puis il me semble que le gouvernement devrait se mettre derrière ces gens-là puis dire, garde, on va essayer de passer vos cas. Puis il y a des cas qui sont pas mal plus lourds que ce que moi, celui que je vis, il y en a qui sont pas mal plus lourds puis que vous entendez pas parler, les gars. Là. C'est vrai. S'il est reconnu coupable, ce gars-là, vous allez faire quoi? Est-ce que allez-vous avoir le goût de mettre des affiches un petit peu partout? Parce que là, il est pas coupable encore, on le rappelle. Non. S'il est reconnu coupable, là, il n'y a pas de registre des pédophiles. Êtes-vous en faveur d'un registre public des pédophiles, premièrement? Ben oui. Puis allez voir aux États-Unis, là, les gestes qu'ils posent là pour ces gens-là. Ils leur mettent des affiches sur leur terrain en acier. Ça se défait pas, là. Fait que le gars, il vit avec la pancarte en face de chez eux. Fait que le monde, quand ils promènent leur chien, là, à 10 pieds de la pancarte, ils revirent de bord. Ils le font aux États-Unis. Hein. Ils ont plein de façons de faire. Hein. Il y en a que c'est à l'Halloween, par exemple, ils avertissent. Oui, donc, cette maison-là, passez pas pour les bonbons parce que il y a quelqu'un qui a été condamné. Il y a plein de gestes, il y a plein d'initiatives. Quand on est allé à New York avec Dominique Morin, il nous montrait qu'avec une application de téléphone intelligent, tu étais en mesure d'avoir toutes les adresses des gens qui avaient été condamnés avec leurs photos, leurs charges, leur pedigree. Ça peut servir puis ça peut aider le public, mais on n'a pas l'air d'être rendu là au Québec. On les laisse-tu aller vivre à l'entour de deux écoles, d'une piscine puis d'un parc, tu sais, à l'eau? Sacrement, c'est complètement ridicule. Moi, là, c'est ça qui me fâche. Je comprends. C'est un exemple stupide, là. C'est-tu stupide? Allô, réveillez-vous. Tu sais, ce gars-là, là, il devrait même pas vivre là. Il devrait avoir un char de police parké en permanence sur le coin de la rue pour checker ses allées et venues, là, tu sais. À partir du moment où ça s'étire une cause comme celle-là, est-ce que le gars devrait être détenu préventivement, surveillé d'une façon ou d'une autre, justement pour pas créer une situation comme celle-là? Pourquoi pas? Mais tu l'as dit tantôt, c'est le système de justice ici, c'est comme ça. Tu n'es pas coupable tant que tu n'es pas déclaré coupable. Puis faut jouer à game, même si c'est long, même si c'est plate, même si c'est pas juste. Le coup de marteau n'a pas été donné. T'sais. Non, mais pas probable. Qu'est-ce que tu entends par coup de marteau? T'sais, moi j'ai essayé, là, je ne le fais pas de la bonne façon. Qui pense à protéger les enfants de ce quartier-là en attendant que le gars subisse son procès? C'est là que ça fait mal. C'est lui, il est présumé innocent, puis ses droits, puis tout ça, mais qui pense à protéger les enfants du quartier pendant ce temps-là? Qui pense à ça? En tout cas, c'est sûr qu'en allant travailler, puis qu'il a vu des affiches, il devait regarder autour de lui un matin. Allez, passez une bonne journée, bonne réflexion, puis gardez la ligne. Notre recherchiste veut vous parler un peu. Jérôme, moi, je voudrais te reparler de deux minutes, si c'est possible. Vas-y, ben oui, je t'écoute. Ben, je l'ai juste, tu m'as envoyé un T-shirt, puis je l'ai dit merci, là, ça s'est fait la semaine passée, là, aucun rapport avec notre cause. Ah, c'est à toi que j'ai signé un T-shirt de la Nordic Nation la semaine passée. C'est ça. Ça n'a pas de lien, puis je savais pas. Là, on revient des vraies affaires, là. Ouais, lis tes courriels. Je sais que t'en as beaucoup. Tu m'as-tu écrit récemment? Ben, je t'ai écrit, t'es la première personne à qui j'ai écrit. Tabarouette, ouais. Écoute, je vais aller voir ça, là. Je vais aller checker mes emails. Je suis en train de te planter en nombre, je suis désolé. Salut. Hey, merci, garde la ligne. Salut. Il est 7h15, donc vous l'avez vu de dos hier aux nouvelles, peut-être à TVA. Très bonne exclusivité d'ailleurs, qui est en une du Journal de Québec de ce matin. Un homme qui a décidé qu'il était tanné. Aux prises avec des lenteurs de système judiciaire. Le gars semble au courant de l'affaire, semble connaître la victime d'une façon ou d'une autre. Puis lui, il dit, ben là, c'est assez. Faut que je signale d'une façon ou d'une autre qu'il y a quelqu'un qui est agressé, qui est accusé dans mon quartier. Sauf que le geste ouvre la porte à moi, ce que je trouve une suite dangereuse. C'est pas vrai que je vais m'en prendre à lui ce matin. Là, pis c'est pas parce que je vais envoyer un gilet puis qu'il prend les Nordiques là, ça a arrêté n'importe qui. C'est pas vrai que je vais m'en prendre à ce gars-là. Les responsables de ça, ouais. Ce sont les juges, ce sont les décideurs et c'est le système de justice en général qui crée. Puis là, écoute, c'est un cas là un matin là dont on entend parler, des cas comme ça, je vous le dis, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui ne se retrouvent pas dans les médias, des gens qui sont tellement démunis et qui n'ont pas confiance envers ce qui s'en vient. Tu comprends-tu? Ben oui. Qui voient le procès arriver puis qui se disent, premièrement, le procès, regarde, ça va être interminable, regarde, ça va prendre 2 ans avec un procès. Deuxièmement, quand ils vont avoir un procès, la sentence va être ridicule et le gars va avoir une vie normale pendant que la victime, puis lui connaît la victime, alors que la victime va être complètement démunie et traumatisée. Et là, les gens, même maintenant, avant le procès, se sentent démunis, se sentent obligés de faire ça. Pas vrai que je vais m'en prendre à ce gars-là, moi. Mais là, le message est passé, puis il n'y a pas eu de conséquences négatives ou fâcheuses. Moi, je ramasserai les affiches aujourd'hui. Là. Regarde, le message est passé, c'est clair, on comprend. Ça donne rien de s'attirer du trouble avec ça. Si toi, tu veux pas le blâmer, il y a des gens qui se gêneront pas pour le faire, malheureusement. Puis c'est peut-être la décision la plus sage à prendre. D'ailleurs, il reconnaît déjà que le geste a peut-être été un peu irréfléchi. Là. Ouais, et mettez-vous à sa place. Il vit dans un quartier, il sait qu'il y a un présumé pédophile, il voit des enfants autour d'une piscine, un parc. Le réflexe humain, c'est de tabarouette, faut que je fasse de quoi protéger les enfants. Mais il y a un présumé pédophile dans le bloc appartement qu'il y a là. Ouais, mais t'ouvres cette porte-là, t'as refermé. Ah. Moi, je te le dis, là. Je comprends. Au nombre de fois qu'on a fait simple, que j'avais une gueule de criminel, là. Je reste sur ce rue-là, moi, puis il y a 3 gars qui décident que c'est moi, là. Ouais. Puis qui rentrent avec des bâtons de baseball, puis qui me crissent une volée, là. Ça va tomber sur le dos à qui, tu penses? Au gars qui voulait bien faire. Ouais, c'est lui qui va se ramasser avec la marde. Oui. C'est sûr. Puis je pense qu'il mérite pas ça, notre monsieur. Il mérite pas ça, mais. À un moment donné, tu dis tabac. Mais les gens sont démunis devant le système de justice. Le gars est libre, puis il a accès à des enfants. Ce que je trouve le plus malheureux dans tout ça, là, c'est que des entrevues de même et des conversations de même, on risque d'en avoir de plus en plus dans les prochains mois et les prochaines années. Pensez à ceux qui chassent les pédophiles eux-mêmes sur Internet. On a une couple de cas, là. Des gens qui disent, regarde, ils nous en montent à JA, puis la police a de l'air de rien faire. On va en pogner, nous autres. Il est 7h18.